Le groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a publié le 2 décembre une déclaration contre la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée sous prétexte de l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de la Corée populaire. La déclaration a tout d'abord critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU qui se conduit sous la baguette des États-Unis. Ensuite, elle a dénoncé que les États-Unis et leurs suivistes ont violé la souveraineté et la dignité du peuple coréen par l'adoption de la résolution en question et que cela fait savoir une fois de plus la nature du Conseil de sécurité de l'ONU, alliance dissimulée des chauvinistes et impérialistes.